ailleurs n'a rien à voir avec l'argent. Aider les gens, atteindre un but, c'est une sorte de succès finalement. Tout est dans l'attitude, pour pas monter en attitude. Une plénitude d'émotion, un état d'esprit qui perdure. Tout est éphémère, comme voir un millionnaire accablé par le stress. Finir dans la tèche avec un RMI. Imagine des pierres et de l'or sur un visage écrit. Que seul pouvoir et prestige anime jour et nuit. On m'a dit que chaque instant au présent, l'essence de l'abondance, ça se vit intérieurement. J'ai pas choisi de faire de la musique pour plaire. Cette passion me tient à cœur depuis des piges, mon frère. Faut du sens à tout. Si tu sens que ça bouge, fais tourner la roue et n'attends pas que ça tourne. Je vais où le vent mène. Ma lèvre est sans réponse quand tu songes au lendemain. Moi je profite de chaque instant. Je peux pas plaire à tous. La musique, c'est comme mon frère. On serre les coudes quand ça part en couille. C'est la débrouille qui nous a forgés. Depuis tout petit, j'ai jamais eu des potes scouts. Juste des potes qui faisaient des filles de scouts. Retour aux sources, c'est bien savoir. Car ça kick, un truc de ouf, t'as pas compris. C'est la rage de Rocky. La gorge, j'en ai rien à foutre. De la rime, range ta clique de télé, ton bis. Le hip-hop, c'est plus qu'un hobby. Faire bouger tes copines. Être produit sur des compis, non. Tu veux un croquis, c'est un pour la famille. Deux pour ma femme, ma zik. Je te parle de mes valeurs comme un maçon qui bâtit sa maison brique par brique, pas de briquet de broc. Rappeur, pas en toc. Explore les voies de la musique. Pour s'amuser, pas besoin de technique. Si t'as vraiment ça en toi, tu le sentiras. Si t'as vraiment du talent, ton disque sortira. Ça sert à rien de dire des conneries, ça sert à rien. Pense un peu aux frères qui sont enfermés et qui regrettent aujourd'hui. Pour un peu de mieux-être, un zeste de malhonnête. Et ton avenir s'envole par la fenêtre. C'est cher payé, non. Une fois touché le fond pour une vie éphémère. Tu dis qu'ils aillent tous niquer leur mère. Tu prends des notes sur ta déroute. Et ça donne des chansons du genre celles que tu écoutes à l'instant présent. Je peux pas dire que ma vie soit une réussite. Je peux pas t'affirmer non plus que j'en connais toute la suite. Mais je peux te certifier une chose. C'est que la prose, j'en suis accro. C'est même le seul domaine ou chose. Vas-y, fais entendre ce que tu fais. Être le meilleur, on s'en fout. La musique, c'est de l'humilité. C'est l'âme de joie dans tes yeux, c'est de l'humilité. Bizarre, FR et Psyche, ça c'est la réalité. Je peux pas plaire à tous. La musique, c'est comme mon frère, on serre les coudes quand ça part en couille. C'est la débrouille qui nous a forgés. Depuis tout petit, j'ai jamais eu des potes scouts. Juste des potes qui faisaient les fils de scout. Retour aux sources, c'est bien savour. Car ça kick, un truc de ouf, t'as pas compris. C'est la rage de Rocky, la gorge en l'air.